Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses et variées, c'est Lost in Space sur le 100 FM. On attaque immédiatement avec Big Flame. coup de pied dans les côtes, souffle rauque, ricanement. Un pied qui se glisse sous lui. Connard de gros lard, dit une voix. Une secousse. Mix qui tire sur la jambe. L'homme au pied qui bascule en arrière. Mix roula sur le dos, feu roulant, faible distance, mouche sur toutes les cibles. Quatre hommes tombèrent au sol. Mix eut une vision à l'envers, la cour du motel, Mal Lunsford qui tournait Kazakh. Puis derrière lui, salut mon gars. Dudley Smith franchit les flammes, revêtu d'un grand manteau de pompier. Mix vit sa valise, 94 bâtons, la cam, à côté du matelas. Dud, t'es venu fin prêt. Comme les Boy Scouts, mon gars. As-tu quelques mots d'adieu à adresser ? Suicide. Braquer un marché avec Dudley Smith comme chien de garde. Mix releva ses armes. Smith tira le premier. Mix mourut en pensant que le motel El Serrano ressemblait bien à l'Alamo comme deux gouttes d'eau. Bud White à l'intérieur d'une banalisée a surveillé les clignotements du 1951 sur l'arbre de Noël de l'hôtel de ville. Le siège arrière était bourré à craquer d'alcool pour la soirée du poste. Il avait tapé les boutiquiers toute la journée sans tenir compte des ordres de Parker. Les hommes mariés avaient le 24 et le jour de Noël libre. Les tableaux de service n'affichaient que les célibataires. La brigade des inspecteurs de Central était détachée pour emballer les vagabonds. Le chef voulait que les clodos du coin soient mis au frais pour qu'ils ne débarquent pas en force à la petite fête en plein air organisée par le maire Bowron pour les mômes nécessiteux avant de s'empiffrer de toutes les gâteries. À Noël dernier, un cinglé de nègre avait sorti coquette, pissé dans une carafe de limonade prévue pour la marmaille d'un orphelinat et il avait ordonné à Madame Bowron « Accroche-toi, salope !» Le premier Noël de William H. Parker comme chef des services de police de Los Angeles s'était passé à transporter l'épouse du maire aux urgences de Central afin de la faire mettre sous calmant. Et aujourd'hui, un an plus tard, c'est lui qui payait les pots cassés. La banquette arrière, bourrée de caisses de gnôle, lui mettait le dos en compote. Ed Exley, adjoint du commandant de garde, était du genre bêcheur, à cheval sur le règlement. Il risquait de monter sur ses ergots en voyant une centaine de flics en train de picoler dans la salle de revue. Et Johnny Stompanato avait 20 minutes de retard. Bud enclencha son émetteur-récepteur. Ronronnement habituel. Vol à l'étalage. Braquage d'un magasin de spiritueux à Chinatown. La porte du côté passager s'ouvrit. Johnny Stompanato se glissa sur le siège. Bud alluma la veilleuse. « Bonne fête !» dit Stompanato. « Et où est Stensland ? J'ai des trucs pour vous deux !» Bud le reluqua de près. Le garde du corps de Mickey Cohen était au chômage depuis un mois. Mickey était au trou pour crime fédéral, fraude fiscale, 3 à 7 ans à McNeil Island. Johnny Stomp se retrouvait à faire ses manucures maison et à repasser ses propres futales. C'est sergent Stensland. Il est en train d'emballer les clodos. De toute façon, ça rapporte pareil. Pas de bol. J'aime bien le style de Dick. Vous savez ça, Wendell ? Johnny le mignon. Beau comme un rital, les bouclettes coiffées serrées en banane. Bud avait entendu dire qu'il était monté comme un âne et qu'il en rajoutait en se rembourrant le panier. Bon allez, crache ce que tu as. Dick est plus doué que vous pour les civilités, officier White. T'en bandes pour moi ou tu veux seulement qu'on papote ? C'est Lana Turner qui me fait bander. Vous, ce qui vous fait bander, c'est les maris qui tabassent leurs épouses. Je me suis aussi laissé dire que vous étiez gentil tout plein avec les dames et que vous n'étiez pas trop regardant sur la qualité. Bud fit craquer ses jointures. Et toi, ce qui te fait vivre, c'est de foutre les autres dans la merde. Tout l'argent que donne Mickey aux bonnes œuvres ne changera pas ce qu'il est. Un fourgueur de cam et un macro. Alors, c'est pas parce que je trouve que tous les putains de tabasseurs d'épouses l'ont un peu trop belle que ça fait de moi quelqu'un comme toi. Tu piges, connard ? Stompanato sourit, un rictus nerveux. Bud regarda par la vitre. Un Père Noël de l'armée du salut empalmait les pièces de monnaie de sa gamelle, l'œil fixé sur le magasin de spiritueux de l'autre côté de la rue. We'll be right back. Écoutez, dit Stamp, vous voulez des renseignements et j'ai besoin d'argent. Mickey et Davy Goldman sont sous les verrous et Mo Jailka s'occupe de leurs affaires pendant leur absence. Mo, il va à la pêche aux petits et il n'a pas de boulot pour moi. Jack Whalen refuserait de m'engager même pour des clopinettes et il n'y avait même pas la queue d'une enveloppe de la part de Mickey. Pas d'enveloppe ? Mickey était renfloué quand il est tombé. J'ai entendu dire qu'il a récupéré la camelote qui a été chouravée lors de son entrevue avec Jack D. Stompanato secoua la tête. Vous avez mal entendu. Mickey a eu le braqueur, mais la cam reste introuvable et le mec s'est taillé avec 150 bâtons de pognon de Mickey. Alors, officier White, moi j'ai besoin d'argent. Et si votre caisse noire à indique n'est pas dans le rouge, je vous trouverai des putains de mecs de première à cravater. Fais ça à la régulière, Johnny, en plein jour. Deviens un bon blanc comme Dick Stensland et moi. Stomp hennit doucement, un petit ricanement faiblard. Un voleur de clés pour 20 ou un piqueur à l'étalage qui tabasse sa femme pour 30. Laissez-vous tenter, le petit frisson facile vite fait, j'ai vu le mec qui repérait chez Orbar en venant. Bud sortit un billet de 20 et un de 10. Stompanato les lui prit des mains. Ralphie Kinnard, c'est un gros lard blond d'environ 40 ans. Il porte une veste en daim et un pantalon de flanelle grise. J'ai entendu dire qu'il battait sa femme et qu'il la collait sur le trottoir pour couvrir ses pertes de poker. Bud nota les informations. « Joyeuse fête, Wendell !» dit Stompanato. Bud la grippa par sa cravate et tira. Stomp se fracassa le crâne sur le tableau de bord. « Bonne année, tête d'huile !» Le magasin hors bar était bourré de monde. Les clients assaillaient les comptoirs et les étalages de vêtements. Bud se fraya un chemin à coups de coude jusqu'au niveau 3, terrain de chasse de première bourre pour le voleur à l'étalage. Bijoux et bouteilles d'alcool. Des présentoirs jonchés de montres, des queues de 30 personnes aux caisses. Bud traînait ses guêtres à la recherche d'hommes blonds en se faisant doubler à gauche, à droite par des mères de famille et leurs mômes. Puis un éclair. Un blondin en veste de daim qui se faufilait en douce dans les toilettes pour hommes. Bud bouscula du monde avant d'entrer à son tour. Deux vieux schnocks étaient debout devant leur urinoir, un pantalon de flanelle glisse qui tombe au sol dans le compartiment des toilettes. Bud s'accroupit, regarda le gros lot encadrant des mains tripotant des bijoux. Les vieux jetons remontèrent leurs braguettes et sortirent. Bud cogna à la porte du cabinet. « Allez, dehors, c'est la Sainte Fauche. » La porte s'ouvrit à la volée. Un poing vola. Bud se le prit en plein dans la figure, heurta un lavabo et trébucha, le nez dans ses menottes, avec Kinnard qui prenait la tangente en quatrième vitesse. Bud se releva et se lança à sa poursuite. Porte franchie. Bloqué par les clients du magasin, Kinnard qui se taille par une sortie latérale. Course-poursuite en avant, puis l'escalier d'incendie descendu 4 à 4. Rien sur le parking, pas de voiture qui démarre, pas de Ralphie. Bud courut jusqu'à sa tire, enclenchant sa radio. 4A31 standard, j'appelle. Grésillement, puis je vous reçois, 4A31. Dernier domicile connu, blanc, sexe masculin, prénom Ralph, nom de famille Kinnard. Je crois que ça s'appelle K-I-N-N-A-R-D. Faites vite, hein. L'homme accusa réception, Bud balança des directs, bam, bam, bam, bam, bam. La radio crachota. 4A31, confirmez votre appel. 4A31 terminé. Positif sur Kinnard, Ralph Thomas, blanc, sexe masculin, DDN, rien que l'adresse, nom de Dieu, je vous ai dit. Le gars du standard l'envoya se faire voir. C'est ton cadeau de Noël, connard. L'adresse, c'est 1486 Evergreen et j'espère. Bud coupa la communication et prit plein est, direction City Terrace. Compteur à 80, coup de klaxon, Evergreen en 3 minutes tout rond. Les blocs qui défilent, le 1200, le 1300, le 1400. Préfat pour les vêtes, lui sauta à la figure. Thank you. Vous êtes toujours bien calé sur le 100 FM, Lost in Space. On a eu Vision of Disorder à l'instant. On continue avec Batmobile. The cry of fear got through the moist night. I look around and no one was inside. Footsteps in the fog, ringing echoes in the dark. A window rattled somewhere in this long forgotten street. Don't know where it came from, but I sure could feel the heat. Running for a cover, but there wasn't one to find. Don't get lost. Don't get lost. Don't get lost. The moon is to be seen. The shadow's getting longer every step I take. The fear is getting stronger every move I make. Running for a cover. Oh my goodness. So what's the time? It's time to get ill. What's the time? It's time to get ill. So what's the time? It's time to get ill. So what's the fucking time? It's time to get ill. I'm like to waste my time. Michael se souvenait qu'il était tombé de sa chaise. Michael se souvenait d'avoir poussé le bouchon en s'incrustant à cette table où il n'était pas invité. Michael se souvenait des trois personnes qui s'étaient tirées du rad ensemble pour se débarrasser de lui. Il était resté au comptoir pour se beurrer un peu plus. Il avait marché jusqu'au Stan's Drive-In pour un petit encas tardif. Une rôdeuse l'avait alpagué sur Valley Boulevard au bout de quelques blocs. Il lui avait collé une inculpation pour ivresse et l'avait conduit au poste de Temple City. La cage à poivreaux était bondée. Les flics l'avaient conduit à la prison du palais de justice et l'avaient bouclé. Des bouffeurs de faillots lui avaient piqué ses chaussures et ses chaussettes pendant qu'il dormait. L'adjoint chargé de la cage l'avait viré au matin. Il était rentré à South San Gabriel pieds nus, peut-être 20 km. Le soleil avait brûlé toute la journée. L'asphalte lui avait bouffé les pieds et refilé de grosses ampoules toutes rouges. Il était repassé à sa piole pour y prendre un peu d'argent, une paire de chaussures et des chaussettes. Il s'était rendu à pied au Melody et s'était installé pour boire. Brutton a quitté la pièce et appelé le bureau du shérif de Temple City. Un adjoint a confirmé le récit de Whitaker. L'homme était resté en détention à partir de 00:30. Il avait un alibi pour l'heure présumée de la mort de la victime. Brutton est retourné à la salle d'interrogatoire et a transmis les dernières nouvelles. Whitaker s'est senti aux anges. Il a dit « Puis-je rentrer à la maison maintenant ?» Brutton lui a dit qu'il faudrait faire une déposition officielle sous 48 heures. Whitaker a dit qu'il était d'accord. Jack Lawton s'est excusé pour le traitement un peu sévère et lui a offert de le raccompagner jusqu'à sa pension. Whitaker a accepté. Lawton l'a conduit jusque chez lui et l'a déposé au bord du trottoir. Sa propriétaire avait largué ses affaires sur la pelouse en façade. La porte d'entrée était fermée et verrouillée à double tour. Why did I let you? Listen, you in. Put your faith in nature to the test. Think it out, society is shutting out the best. Knock it down, survival for the strongest. Fuck the rest. There's no fear. No, we're here when your world starts to fall apart. There's no fear. No, we're here. Government will not stand by you. They are thinking about money, not people. People, people, people, people, people. Get in the fear. No, we're here when your world starts to fall apart. Get in the fear. No, we're here when your world starts to fall apart. Things will change, defend your homes and family first. Go aground and let the country's forces take the worst. Stand side by side, change the rules, stop this money thirst. Arm yourselves, rise up, Judgment Day is in a bubble burst! Get up here! No, we're here when your world starts to fall apart. Get up here! No, we're here when your world starts to fall apart. Elle ne voulait pas de salopard soupçonné de meurtre sous son toit. Il était 2h30 du matin, le lundi 23 juin 1958. L'affaire Jean Elroy, dossier criminel du shérif numéro Z483-362, était vieille de 16 heures. Inside. La vallée de San Gabriel était le trou à rats du comté de Los Angeles. 50 km de patelins bouseux collés les uns aux autres, plein est par rapport à LA. Les montagnes de San Gabriel formaient la limite nord. Les collines Puente Montebello fermaient la vallée côté sud. Des lits de rivières boueuses et des voies ferrées la coupaient par le milieu. La bordure est avait des limites floues. Lorsque la vue s'améliorait, on savait qu'on avait quitté la vallée. La vallée de San Gabriel était plate en forme de boîte. Le flanc de la montagne était pris dans le smog. Des villes individuelles, Alhambra, Industry, Bassett, La Puente, Covina, West Covina, Baldwin Park, El Monte, Temple City, Rosemead, San Gabriel, South San Gabriel, Irwindale et Duarte, se fondaient les unes aux autres avec pour seul signe distinctif les enseignes des clubs Kiwani. La vallée de San Gabriel était chaude et humide. Des vents méchants balayaient à terre des contreforts de collines au nord. La poussière des trottoirs en terre battue et les débris de gravière piquaient les yeux. Les terres de la vallée étaient bon marché. L'absence de relief était idéale pour être quadrillée par les lotissements et permettre de futures constructions d'autoroutes. Plus la zone était éloignée, plus on avait de terre pour son argent. On pouvait chasser le raton laveur à quelques blocs de l'artère commerçante du quartier et personne n'allait vous chercher de crosse. On pouvait clôturer sa cour et élever poulets et chèvres pour améliorer l'ordinaire. On pouvait laisser ses loupiots cavaler sur tout le bloc dans leur couche pleine de merde. La vallée de San Gabriel était le paradis du minable blanc. Sometimes it's not so bad. Des explorateurs espagnols ont découvert la vallée en 1769. Ils ont éliminé jusqu'au dernier la population indienne indigène et établi une mission à l'intersection de l'autoroute de Pomona et de Rosemead Boulevard. La mission del Santo Arcángel San Gabriel de los Temblores a précédé de 10 ans la première installation de colons à L.A. Des maraudeurs mexicains sont emparés de la vallée en 1822. Ils ont viré les Espagnols et se sont appropriés les terres de la mission. Les États-Unis et le Mexique se sont livrés une brève guerre en 1946. Les Mexicains ont perdu et ont recraché Californie, Nevada, Arizona, Utah et Nouveau-Mexique. L'homme blanc s'est mis à faire des affaires. La vallée de San Gabriel a joui d'une longue période d'expansion agricole. Des sympathisants des Confédérés ont émigré vers l'ouest après la guerre de sécession et acheté une grosse partie des terres de la vallée. Le chemin de fer a fait sa percée en 1872 et déclenché un boom dans l'immobilier. La population de la vallée s'est accrue de 1000%. LA commence à devenir une bourgade de bonne taille et la vallée en a tiré un paquet de pognon. Les profiteurs immobiliers ont constitué la vallée en petite ville. Il en a résulté une croissance ininterrompue qui s'est poursuivie jusque dans les années 20. La population des villes a crû de manière exponentielle. Les permis de construire ont été limités sur toute la largeur de la vallée. Les Mexicains étaient cantonnés à des taudis et bidonvilles aux toits de tôle. Les nègres n'étaient pas autorisés à circuler dans les rues une fois la nuit tombée. Dreamers practice shitty tricks in the grass. Weak ollies, yin gang, ankle tats. These are 5K stragglers, dealership hacklers, sad faced bystanders on those gas station cameras. And there was something I was trying to say, but I was followed by a nondescript chemical smell. An amateur witch cast her first binding spell, and the laughter of my neighbors and their trailers pushed away the awful, awful edges as your hometown keeps extending its bleed. Every time that you leave, awful passage of some book you didn't actually read. Yeah. And we all navigate the having of bodies and histories. It's a snuff film existence. Matthew writes poetry about coffeeness, loneliness, and the onlyness of a childhood. And I do my best to sand it as some simulating sibling, a satellite rendition of an oddball older brother, a mythical creature who's got his shit together. But it never works. There was something I was trying to say, but the paperwork at the plasma center ate up the first half of the day. And the creeps and the cars that just got in my way. I was looking for my friends. It was last call again. It's a rotten vacation. Don't like Chelsea Hotel. Die. Les récoltes de noix étaient abondantes. Les récoltes d'agrumes étaient abondantes. Les produits laitiers faisaient rentrer l'argent à l'appel. La dépression a mis un frein à la croissance de la vallée de San Gabriel. La Seconde Guerre mondiale l'a ressuscité. Les GIs démobilisés se sont branchés sur la migration vers l'Ouest. Et les promoteurs immobiliers se sont branchés sur les nouveaux branchés. Lotissements et divisions par lot se sont multipliés. Champs de noyers et vergers ont été bousillés pour faire de la place, encore et encore. Les limites des villes se sont étendues. La population a cru en flèche dans les années 50. Le commerce lié à l'agriculture s'est mis à battre de l'aile. Se sont mises à fleurir industries manufacturières et industries légères. L'autoroute de San Bernardino s'étirait depuis le centre-ville de LA jusqu'au sud d'El Monte. Les automobiles sont devenues une nécessité. Le smog est arrivé, de nouveaux lotissements d'habitations ont vu le jour. L'économie florissante a donné un nouvel aspect à la vallée, sans en modifier d'aucune manière son caractère d'ouest sauvage. Il y avait là des réfugiés du Dust Bowl et leurs gamins adolescents. Il y avait là des pachucos coiffés en queue de canard, vêtus de chemises Sir Guy et de pantalons de toile kaki au bas fendu. Les bouseux de l'Oklahoma haïssaient les espingos de la même manière que les vieux cow-boys haïssaient les Indiens. Il y avait là, parmi les nouveaux arrivants, des hommes à la tête bousillée par la Seconde Guerre mondiale et la Corée. Il y avait là des faubourgs surpeuplés, entrecoupés de grands espaces de campagne. On pouvait descendre le long du Rio Hondo Wash et capturer le poisson à main nue. On pouvait sauter dans les corolles à bestiaux de Rosemead et se tirer une vache d'un coup de fusil. On pouvait se tailler sur place un beau morceau de viande fraîche. Back reliable, I'm not reliable. We just drift, drift, drift, drift, drift, drift, drift. See the pleasure in my eyes at your distance, so just move away. Listen to the sound of my tea, I said, but we just drift, drift, drift, drift, drift, drift, drift. See the pleasure in my eyes at your tears as I just move away. Hey, just drift, drift, drift, drift, drift, drift, drift. See the pleasure in my eyes and it's just another day. Autre explication de l'apathie, la mondialisation. Puisque tous les pays sont pris dans le réseau global de l'économie planétaire, rien ne sert de s'agiter dans son coin. Le réseau aurait vite fait de réduire un mouvement de révolte locale par la simple force d'inertie qu'un grand ensemble impose à ses constituants. C'est sans doute un argument de cet ordre que ressassait le vieux Metternich en route vers l'exil, caché dans une charrette de blanchisseuse. Les pays européens étant fermement englobés dans le ciment de la Sainte Alliance, jamais la chute de Louis-Philippe n'aurait dû mettre le continent à feu et à sang. Jamais, en bonne logique, le printemps des peuples de mars 1848 n'aurait dû faire valser duché et royaume du Danemark à la Sicile. tenir aujourd'hui la mondialisation pour responsable de l'atonie populaire, c'est prendre le peuple pour un idiot collectif, ignorant de l'histoire et de l'actualité, incapable de réfléchir sur la chute en cascade de régimes arabes connus pour l'efficacité de leur police et la fidélité de leur armée. Dans le monde désolé du capitalisme démocratique, que l'insurrection parte d'Espagne ou de Grèce, de France ou d'Italie, elle ne manquera pas de gagner ensuite toute cette Europe branlante. L'onde de choc se propagera non par contagion, la révolution n'est pas une pathologie infectieuse, mais par diffusion de l'ébranlement, par entraînement dans la culbute, comme l'avait jadis prévu le regretté John Foster Dulles, père de la célèbre théorie des dominos. Les pays que l'on peut juger plus stables par leur tradition, leur meilleure santé apparente ou leur situation loin de l'épicentre seront paralysés devant l'onde révolutionnaire. Les raisons de se révolter sont si nombreuses et évidentes depuis si longtemps que les gouvernements ne trouveront nulle part la légitimité permettant de mater l'insurrection par la force brute. Un succès en entraînera d'autres, la hardiesse des uns décuplant celle des voisins. We'll be right back. one on the eastern seaboard. I got my people wind up and she's a runner like I never before. There's a speed on that, but alright, and I don't see a drop in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, it seems like a month to kiss my baby goodbye. If I can have a lot of women, why shouldn't I try? If I find one who holds me tight, in my truck we can do it alright. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Alright, let's go! Ce qu'il faut essayer de comprendre, ce n'est pas la dépolitisation, qui n'existe pas, mais le scepticisme ambiant sur l'idée de révolution. Le mot même, communément utilisé dans l'éloge de tel aspirateur domestique, entraîne des sourires apitoyés quand on l'emploie pour parler du renversement de l'ordre établi. L'une des raisons tient à la fin du communisme de caserne. Certes, les dirigeants de l'Union soviétique apparaissent depuis longtemps comme une bande de bureaucrates brutaux et la vie dans ce pays comme un sort peu enviable, si bien qu'il ne s'est rien passé en 1989. Comme le résume Mario Tronti dans La politique au crépuscule, il a fallu 3 ans, de 1989 à 1991, pour confirmer bureaucratiquement une mort déjà advenue depuis un certain temps. Les systèmes socialistes survivaient à la fin du socialisme. Pourtant, en URSS et dans les démocraties populaires, prévalait une organisation sociale qui, pour aberrante qu'elle était, se voulait autre et prétendait tenir tête à l'impérialisme américain. Dans beaucoup de cerveaux, l'idée était enfouie qu'en d'autres mains, dans d'autres circonstances, le communisme aurait pu réussir. Cette idée s'est évanouie en même temps que le régime soviétique. Le vide ainsi créé s'apparente à un deuil. On peut être soulagé de la disparition d'un être détestable et ressentir son absence comme un manque. Et du coup, l'idée de révolution liée à tout un imaginaire mêlant Smolny, le croiseur Aurora, la voix de Mayakovsky, les maisons communes des architectes constructivistes, Octobre d'Eisenstein et le train blindé de Trotsky se trouve enterré en compagnie du socialisme réel. We'll be right back. Le mot révolution est partout, dans les publicités de Peugeot comme dans les tweets des indignés, si bien qu'il vient recouvrir notre rapport aux révolutions passées. Celle-ci ne constitue ni une tradition à poursuivre, ni une série d'événements à commémorer, mais le sol historique sur lequel nous nous tenons. On ne se dirige pas dans une époque sans avoir appris des échecs révolutionnaires, ceux qui ont entraîné les défaites et plus encore ceux qui ont suivi les victoires. Windows and I can see your face.